toujours qu'à déchirer. On monde que ou aimer, car qui mauvais, car qui bon, moitié ange, moitié démon. La vie pas ni assez pour comprendre vérité. J'ai mis sur la, c'est pour nous essayer sauver. Ça est pour nous toujours sacré. Si c'est l'amour qui a dominé Adam Tchéa, c'est aussi l'esprit en moi.